volcan devenu vieux. Mon cœur bat lentement la chamade. La lave tiède de tes yeux coule dans mes veines malades. Je pense si souvent à toi que ma raison en chavire. Qu'on me ferait des barques bleues et même les plus grands navires. J'ai la raison à raisonner dans un port désert dérisoire. Toute ma vie s'est arrêtée comme s'arrêterait l'histoire. J'ai la raison à raisonner dans un port désert dérisoire. Toute ma vie s'est arrêtée comme s'arrêterait l'histoire. Une légende qui s'éteint comme un grand peuple en décadence. Comme une chanson qui se meurt comme la fin de l'espérance. Mon cœur, volcan devenu vieux, bat lentement la chamade. La lave tiède de tes yeux coule dans mes veines malades. Comme une armée de femmes ensemble sombre de mes gestes, fait un vaisseau du temps perdu dans la mer morte qui me reste. Mon cœur, le corps devenu vieux, va lentement la chamade. La lave tiède de tes yeux coule dans mes veines malades. La lave tiède de tes yeux coule dans mes veines malades.